Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur l'antenne de Radioactive. C'est l'heure de se retrouver pour un nouveau mag. Aujourd'hui, un mag qui n'a pas lieu dans notre studio, mais à la résidence des Myosotis à Nazel, où nous retrouvons Marcel Hu. Marcel qui est présidente, je le rappelle, de l'association NEVA, Nature Environnement en Val d'Amboise. Bonjour Marcel. Bonjour. Alors Marcel, une actualité dont vous voulez nous faire part aujourd'hui, c'est l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'association. Oui, l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'association sera suivie de son Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 25 avril à partir de 17h à la Maison des Associations, Maille Saint-Thomas à Amboise. Depuis près de 30 ans, NEVA agit sur le territoire de la communauté de communes du Val d'Amboise en apportant son expertise dans divers domaines liés à l'environnement, urbanisme, énergie, agriculture et alimentation durable, réduction des déchets et bien d'autres encore. Ce rendez-vous sera l'occasion de faire le point sur les actions menées en 2004 et de présenter les projets pour 2025. Un temps d'échange autour du verre de l'amitié sera offert pour partager nos engagements et renforcer les liens entre les acteurs locaux soucieux de la transition écologique. C'est réservé uniquement aux adhérents, Marcel, ou bien est-ce que quelqu'un qui est intéressé par les actions de NEVA peut aussi venir ? Voilà, c'est ça. Ouvert à tous. C'est ouvert à tous. D'accord. Par contre, droit de vote uniquement aux adhérents, j'imagine, bien si sûr, des décisions sûr, sont oui. prises. Oui, aux adhérents à jour de leur cotisation, enfin, comme ça se fait dans toute... Alors, l'Assemblée Générale Extraordinaire, c'est pour... Comme on a changé de siège social, il faut changer les statuts. Donc on en a profité pour les mettre un peu à jour. D'accord. Et on va les faire adopter ou pas, on verra, par l'Assemblée. Voilà. Vous êtes toujours aux côtés de René Filâtre, il y a toujours également... Alors justement, il y aura, ça va être une... 2025, c'est une année noire pour l'environnement, hein. Que ce soit au niveau international, au niveau national, c'est une année noire pour l'environnement, mais on ne va pas baisser les bras. Hein. Il y aura aussi des démissions. Moi, je vais démissionner de mon poste de présidente. Ah oui ? Parce que je veux pas être comme Molière, mourir sur scène. Voilà. Et puis, donc, on va aussi changer un peu notre mode de fonctionnement. René Filâtre donne aussi sa démission du conseil d'administration. Ouh là là, renouvellement. Mais garde des responsabilités quand même. D'accord. Moi, je vais rester au conseil d'administration parce que, voilà, j'ai envie. Oui, bon, sans doute. On a un des cofondateurs de l'association... qui s'appelle Pierre Guichard, qui est gravement malade, donc il ne sera pas représenté au conseil d'administration. Donc il y a plein de changements, quoi. Voilà. Plein de changements, Neva, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a besoin de renouvellement, il y a besoin de nouvelles personnes. Oui, mais ça y est, on a trouvé une solution. Bon, voilà. Super. Donc ce sera le moment, rappelez-nous le lieu et la date, Marcel, s'il vous plaît, de cette Assemblée générale. Alors la date, c'est le 25 avril. Et c'est à la Maison des Associations, Maille Saint-Thomas, Amboise. Très bien. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations. Un petit mot pour nos auditeurs, pour terminer cette émission. J'espère qu'on mobilisera aussi des gens qui ne sont pas adhérents, mais qui pourront le devenir, parce qu'on a besoin de renouvellement et on a besoin d'actifs surtout. On a des adhérents, mais des actifs... Et je tiens à préciser qu'on a été reconnu association à but... D'utilité publique. D'utilité publique par les services de la préfecture. Voilà. Félicitations. Et c'est tout à fait mérité. Mais ce n'est pas une fin, il faut continuer. Il faut continuer malgré les tableaux noirs qu'on peut dresser pendant l'année des guerres, les décisions législatives qui font que les agriculteurs vont pouvoir continuer à épandre des pesticides comme ils le voudront, même en hélicoptère. C'est un retour en arrière impensable. Mais bon, il faut continuer à se battre. Voilà. Le combat continue et si vous voulez le rejoindre, c'est l'occasion lors de cette Assemblée Générale de l'association Nature Environnement en Val d'Amboise. Merci Marcel Hu, présidente jusqu'à cette fameuse Assemblée Générale. Merci pour votre engagement et merci d'avoir partagé ces informations avec nous sur l'antenne. C'est la fin de ce mag, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.